virus, étymologiquement parlant, c'est un jus mauvais, un poison, une puanteur, bref, quelque chose de pas vraiment sympathique. Et de fait, les virus sont responsables de maladies gravissimes comme la grippe, Ebola, le sida, le SRAS et j'en passe. Mais pour quelques espèces virulentes, combien d'autres vivent autour de nous, en nous, et ce, certainement depuis l'origine du vivant. Il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles dans la galaxie. Les virus sont partout et sont surtout beaucoup plus complexes qu'on ne l'imaginait, à tel point que l'on se demande aujourd'hui si les virus ne sont pas à l'origine du vivant et s'il ne faudrait pas eux aussi les considérer un peu comme des organismes vivants. Les virus font-ils partie du vivant? C'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et on pourrait dire qu'il ne leur manque que la parole, puisqu'une étude vient de montrer que certains virus communiquent entre eux pour réguler leur activité. On en reparlera dans quelques instants avec nos deux invités. Patrick Forter, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, professeur émérite à Paris-Saclay et professeur à l'Institut Pasteur. Nous sommes également en compagnie d'Alain Dublanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin microbiologiste, ancien chef de service à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et spécialiste de la phagothérapie, dont il sera question également au cours de cette heure. Et puis je précise pour nos auditeurs, mais vous commencez à le savoir maintenant, que vous pouvez nous suivre en parallèle tout au long de cette émission sur le fil Twitter @laméthodefc. Alors avant de vous poser à l'un et à l'autre la question qui fâche, à savoir est-ce qu'un virus est vivant, encore faut-il peut-être poser les termes du débat pour comprendre pourquoi cette question est fondamentale et elle divise autant la communauté des biologistes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez en un mot? Le virus fait partie du vivant ou pas, Alain Dublanchet? Oui, la question, à mon avis, est d'un intérêt relatif. Je pense que on peut les inclure dans le vivant, mais je pense également que Monsieur Patrick Forter sera plus à même de nous en parler. Avec son concept du virocèle que j'apprécie beaucoup. Alors Patrick Forter, en un mot, puisqu'on va revenir, on va détailler pourquoi cette question est importante, mais en un mot, selon vous donc, les virus font-ils partie du vivant? Ils font partie du vivant, ça c'est assez clair, ils nous ressemblent beaucoup, ils sont composés des mêmes macromolécules que nous, les protéines, les acides nucléiques, que tout le monde connaît maintenant la double hélice d'ADN, beaucoup de virus sont composés d'ADN, même si certains sont composés d'ARN, ils utilisent le même code génétique que nous, donc ils font manifestement partie du vivant. Après, définir un organisme vivant, on y reviendra, c'est plus compliqué. Alors justement, peut-être expliquez-nous, Patrick Forter, pour commencer, finalement, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Pourquoi est-ce que la doxa scientifique a sorti les virus de l'arbre phylogénétique du vivant? Pourquoi est-ce qu'on considère en fait qu'un virus n'est pas vivant? Alors, pour moi, c'est essentiellement parce qu'il y a une confusion qui a été faite depuis l'origine déjà entre le virus et la particule virale, ce qu'on appelle le virion. Lorsque les virus ont été découverts à la fin des années 1800, c'était parce que justement ces particules virales passaient à travers des fils de porcelaine et on voyait qu'on avait là quelque chose d'infectieux. Donc l'infection est due à ces particules virales qui transportent le génome du virus. Alors expliquez-nous, redites-nous quand même en deux mots la différence. Qu'est-ce qu'on appelle virus? Parce que vous dites particules virales et virions, c'est des concepts qu'il faut peut-être un peu préciser. C'est quoi finalement un virus? Qu'est-ce qu'on définit comme étant un virus aujourd'hui? Voilà, c'était la difficulté. En fait, le virus, on pourrait dire, c'est une information génétique qui déroule un programme très particulier. Ce programme, c'est effectivement, on va avoir production dans une cellule infectée de particules virales qui vont être libérées par la cellule, parfois on la tue, qui vont aller infecter d'autres cellules, injecter leur matériel génétique dans ces nouvelles cellules. Et ce matériel génétique va s'exprimer, va se répliquer dans ces nouvelles cellules jusqu'à la production de nouveaux virions et ainsi de suite. Donc il y a un mode de reproduction qui est complètement différent du mode de reproduction que l'on connaît au niveau cellulaire, où une cellule en gros donne deux cellules, une cellule mère donne deux cellules filles. Et le matériel génétique de la cellule mère est reproduit et se retrouve à l'identique dans plus ou moins dans les cellules filles. Là, on a vraiment le passage par une étape obligatoire de virion. Donc, on a une cellule qui produit des virions qui vont infecter une cellule qui va produire des virions, etc. Donc, la question est de savoir si le virus, c'est ce virion qui va infecter les cellules ou si c'est la cellule avec le matériel génétique du virion à l'intérieur. Voilà, si on se limite au virion lui-même, on a affaire en fait à quelque chose qui n'est pas une cellule. Le virion, c'est une coque protéique plus ou moins complexe qui va enfermer et protéger le matériel génétique et lui permettre, en ayant à sa surface des récepteurs qui vont reconnaître la cellule infectée, qui vont permettre d'infecter une nouvelle cellule. Donc c'est quelque chose qui ressemble plus à un organisme cellulaire, à une super macromolécule géante, qu'à un organisme vivant que l'on imagine essentiellement cellulaire. C'est le prix Nobel français André Wolf qui a vraiment insisté sur le fait que les êtres vivants sont automatiquement cellulaires, composés de cellules. Donc le virus, si on le limite au virion, n'est pas composé de ce n'est pas une cellule, donc on va dire il n'est pas vivant. Mais en fait, si on définit le virus par l'ensemble de son cycle, on s'aperçoit que le moment du cycle, le virus est vraiment actif, où les gènes du virus sont exprimés, où il va se répliquer, etc., c'est lorsqu'il infecte la cellule. D'où l'idée qu'en fait, le virus, quand il infecte une cellule, la transforme en cellule virale, hein, ce que j'ai appelé le virocelle. À un moment donné, on n'a plus une bactérie, une archée ou un eucaryote infectée. Qui sont les trois grandes familles du vivant au niveau cellulaire. Mais on a une cellule qui... c'est François Jacob, je crois, qui avait dit le rêve de toute cellule, c'est de donner deux cellules. Là, le rêve d'une cellule virale, c'est de donner le plus de virions possible pour infecter le plus de cellules possible. Donc, je crois que la confusion vient aussi du fait que le virion en tant que lui-même est inerte, mais qu'il faut le considérer, je crois, il faut considérer l'ensemble de son cycle qu'on verra peut-être et que vous avez évoqué tout à l'heure et qui en fait le rend parasite en fait de cellules. Et c'est en cela qu'il devient un être vivant si on le considère comme étant un parasite. Et là, la confusion est beaucoup moins, enfin, est moindre. Tout virus est nécessairement parasitaire. C'est dans la nature du virus d'être parasitaire ou est-ce qu'il y a des virus qui ne sont pas parasitaires? Non, c'est vraiment dans la nature du virus, essentiellement parce que le virus, dans son matériel génétique, ne code pas pour le ribosome, ce qu'on appelle le ribosome, c'est la machinerie cellulaire qui sert à fabriquer les protéines. C'est ça, qui permet de transcrire, grosso modo, l'ADN en protéines. En fait, on a le message de l'ADN qui est un message en nucléotide, un TGC. On va le transcrire d'abord en ARN messager, et ensuite on le traduit en un autre langage, c'est la traduction, on passe d'un langage à l'autre, comme on traduit du français en de l'anglais. Là, on traduit le langage des bases, de l'ARN ou de l'ADN, en langage acide aminé, et c'est le code génétique qui permet cette traduction. Cette traduction, les virus ne peuvent pas la faire, parce qu'ils ne codent pas, jusqu'à présent, on ne connaît pas de virus qui coderait pour un ribosome complet. On connaît les virus. On est en train d'essayer de publier un papier là-dessus. On a découvert en fait que certains bactériophages, qui sont les virus infectant les bactéries, codent pour des protéines ribosomales du ribosome, mais c'est jamais plus d'une protéine, alors que dans le ribosome, il y en a environ 70-80. Donc les virus ont absolument besoin d'infecter une cellule pour utiliser ces ribosomes afin de fabriquer leurs propres protéines. Il faut donc tous les virus sont parasitaires. Parce qu'ils n'ont pas donc le matériel suffisant pour pouvoir finalement vivre une vie cellulaire normale. Il faut peut-être aussi repréciser, Alain Dublanchet, qu'on connaît les virus, comme je le disais, pour les maladies dont ils sont porteurs, parce qu'ils fonctionnent par site infectieux. Or, qui dit cycle infectieux ne dit pas forcément maladie. Il y a beaucoup de virus qui sont que nous portons en nous, qui font partie de nos microbiotes et qui n'ont pas d'effet négatif sur la santé ou sur l'environnement. Oui, en effet, les virus, depuis de nombreuses années, on étudie essentiellement les virus qui intéressent la pathologie, et tout particulièrement la pathologie des êtres vivants supérieurs comme les animaux ou l'homme. Donc on ne connaît qu'une très faible partie de ces virus qui sont innombrables, et je crois même qu'aujourd'hui on peut considérer que ça n'est qu'une infime partie qui est connue. On parle de 5% peut-être de ce qui existe en nombre au niveau de la nature, parce que il faut savoir qu'il y en a partout. Il y en a dans le sol, il y en a sur le même, il y en a dans les eaux. On vit avec et en permanence avec ces virus, et en particulier les virus dits bactériophages, qui eux sont des virus très spécialisés. Alors justement, peut-être préciser, Patrick Forter, la différence entre virus et bactériophage, c'est juste deux noms différents, ça ne s'adresse pas exactement au même type de cellules. Voilà, en fait, les bactériophages sont simplement des virus infectant les bactéries. Il y a un aspect historique là-dedans. Lorsque Félix Derel, donc il y a un siècle maintenant, on fête le centenaire en 1917, cette année, en 1917, a découvert le phénomène. À l'époque, il a tout de suite compris qu'il s'agissait de virus, mais il était le seul, personne ne le croyait. Il y a eu des polémiques pendant très longtemps à ce sujet, et donc il n'a pas voulu l'appeler tout de suite virus, il a appelé bactériophage, ce qui voulait dire mangeur de bactéries. Et donc la tradition est restée, le terme de bactériophage, même le terme de phage, le diminutif phage, ce qui, de mon point de vue, est gênant, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'étudiants qui me demandaient « Mais alors, est-ce que les bactériophages sont des virus ?» Je pense, moi, je préférais les appeler bactériovirus, mais la tradition est tellement forte, c'est vraiment difficile d'aller à l'encontre de cette utilisation. Voilà, les phages sont simplement des virus infectant les bactéries. On a les virus qui infectent les cellules eucaryotes, on a les virus qui infectent les archées qui sont des prokaryotes comme les bactéries, et du coup, certains collègues... Prokaryotes, ça veut dire sans noyau. Hein. Sans noyau. Alors, d'ailleurs, des collègues parlent de phages quand ils parlent de virus d'archées, ce qui, pour nous, les spécialistes des archées, ça nous énerve beaucoup, parce que justement, ça entretient une confusion entre archées et bactéries, alors qu'elles sont complètement différentes. Donc, c'est juste une petite confusion terminologique. Vous confirmez peut-être l'un et l'autre ce que je disais. Oh, c'est pas moi d'ailleurs qui le disais au tout début de cette émission. C'est une citation de Carl Zimmer qui a publié, c'est en France chez Belin en 2016, Planète de virus. Il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles dans l'univers. Ça vous semble réaliste, ça? J'ai jamais compté les portes. Je crois qu'on n'en sait rien. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est ce que l'on sait, ce que l'on peut dire, c'est les bactériophages, les virus bactériens ou l'archée sont innombrables. Et je pense qu'ils le seront encore pendant très longtemps. Il y a un petit côté là, justement, technique. Quand on dit les virus sont innombrables, en fait, c'est leurs particules. Et justement, on compte les particules, est-ce que c'est vraiment le virus, encore une fois? Pour m'amuser, je dis, c'est un petit peu comme si pour compter les poissons, on comptait les œufs des poissons. Donc en fait, ce qu'il faudrait compter, c'est vraiment les cellules infectées. Quand on regarde dans l'océan, par exemple, quel est le pourcentage de cellules infectées? Certains disent, par exemple, 40%. On dit 40% des bactéries, à un moment donné, sont infectées par des bactériophages dans l'océan. Mm-hmm. Et c'est sans doute à peu près la même chose dans notre intestin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait quand même les compter. Dans un volume donné, on peut les compter. Tout au moins, ces particules qui savent se reproduire, on les compte très, très facilement. Aujourd'hui, on peut également les voir au microscope, avec des microscopes électroniques. Donc, sur ce plan-là, on peut les compter. Mais savoir dans l'univers combien il y en a, je crois que c'est illusoire de vouloir se pencher sur ce problème. On a parlé donc des trois grandes branches du vivant et de la division entre eucaryotes et prokaryotes, avec un noyau ou sans noyau. J'ai lu que les virus pouvaient appartenir à une catégorie qu'on dit acaryotes. Est-ce que vous partagez cette terminologie-là? Dans la terminologie acaryote, je l'avais proposée pour remplacer prokaryote, parce que prokaryote, ça sous-entend que les prokaryotes sont arrivés avant les eucaryotes. Là, on entre dans un autre débat, mais tout un tas de discussions autour de cela. Et je préférais des termes neutres comme acaryote sans noyau ou syncaryote avec noyau. Là, ce qui est intéressant, vous faites allusion sans doute au fait que récemment, un papier vient d'être publié dans la revue Science, dans lequel les auteurs ont montré que certains bactériophages, qui ont des génomes assez gros, codent pour des protéines qui, en fait, provoquent la formation au sein de la bactérie d'un noyau, d'une structure qui ressemble à une coque à l'intérieur de laquelle le virus va justement transcrire et répliquer son génome. C'est assez fascinant, d'autant plus que ce virus, donc, il code pour une protéine qui va former cette coque et une autre protéine qui ressemble à la protéine de nos cellules qui sert à former ce qu'on appelle au moment de la division cellulaire, les fuseaux mitotiques. Bon, c'est un peu technique, mais une protéine, en fait, qui va permettre d'orienter, de positionner correctement ce noyau au centre de la cellule. Du coup, on pourrait dire que c'est un virus avec un noyau, donc un virus eucaryote, mais ça ferait beaucoup de confusion par rapport aux eucaryotes. On peut dire que c'est un virus syncaryote qui a un noyau, qui fabrique un noyau. Bon, alors on va sortir un peu de ces questions de terminologie pour redire aussi avant d'examiner un peu les problèmes liés justement à cette conception du virus comme faisant ou non partie du vivant. Redire que vous l'avez dit tout à l'heure, Patrick Forter, peut-être réexpliquer la différence entre les trois grands types de virus connus, les virus à ADN, les virus à ARN et les rétrovirus. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qui caractérise chacun de ces types de virus? Alors, les virus à ADN, comme leur nom l'indique, leur matière génétique, c'est de l'ADN, comme nous. Les virus à ARN, c'est de l'ARN. Alors, au passage, ça montre bien que l'ARN peut, tout comme l'ADN, être un matériel génétique. Mm-hmm. Et on pense aujourd'hui, en fait, que l'ARN a précédé l'ADN au cours de l'évolution, qu'on a eu des organismes qui avaient des génomes ARN avant les génomes à ADN. Je pense même personnellement que les virus ont pu jouer un rôle dans cette transition. On va en parler tout à l'heure. C'est la théorie du tout ARN qui aurait précédé l'ADN, on en reparlera ensuite, tout à l'heure. Ensuite, les rétrovirus, ce sont des virus à ARN qui passent au cours de leur cycle de reproduction par une étape à ADN qui leur permet d'intégrer leur génome dans le génome des organismes qu'ils infectent, nous par exemple. Le VIH étant un exemple de rétrovirus. Étant un rétrovirus, mais beaucoup de virus sont capables d'intégrer leur génome dans le génome de leurs hôtes. Par ailleurs, il y a également des virus qui ont des génomes à ADN et qui passent par une étape ARN, les virus de l'hépatite C, je pense, ou l'hépatite B. Je suis pas un spécialiste, mais il y a vraiment toute la catégorie chez les virus. On a à la fois des virus qui ont de l'ADN et qui répliquent ADN-ADN, des virus ARN qui répliquent ARN-ARN, des virus ARN qui font ARN-ADN-ARN, et des virus ADN qui font ADN-ARN-ADN. D'accord, donc ça c'est pour... imagination chez les virus, donc, alors que les cellules font toutes ADN-ADN. C'est la grande variété, et puis on le verra d'ailleurs dans des cycles de réplication, ce qui fait aussi leur grande mutabilité d'une certaine façon. Est-ce que vous pourriez également... Et puis, avant de passer à la partie suivante, peut-être nous réexpliquer en quelques mots comment fonctionne un virus sur une cellule, c'est-à-dire les deux grands cycles, le cycle lytique et le cycle lysogénique, parce que ça va nous permettre d'avancer sur la suite de l'émission. Alain Dublanchet. Oui, alors ça sont les deux grands... Il y en a d'autres, il y a d'autres systèmes de réplication, mais enfin disons qu'on pourrait se limiter à ces deux grands types de réplication qui consistent dans tous les cas à une introduction du génome du virus dans la cellule bactérienne, puisque là on se limite au bactériophage, qui en se fixant sur la paroi de la bactérie va injecter, comme on pourrait injecter un produit avec une seringue, dans le cytoplasme de la cellule bactérienne, et ensuite prendre les commandes de la machinerie dont on a parlé tout à l'heure, et orienter selon un certain nombre de critères, et là aussi on pourra peut-être développer tout à l'heure ces critères que va prendre le virus en quelque sorte, pour utiliser soit une voie de multiplication très active, immédiate, qu'on appelle donc la voie lysogénique, qui est en fait qui est la voie qui conduit à une reproduction complète d'un certain nombre de plusieurs dizaines de virions dans la cellule bactérienne jusqu'à l'éclatement, et ceci en espace d'une demi-heure, une heure grand maximum pour la majorité de ces lyses, qui veut dire destruction. Et il y a une lyse, un éclatement comme un ballon éclate, et une libération de tous ces nouveaux virions qui vont aller coloniser des bactéries voisines, à condition, et là aussi on n'a pas évoqué la spécificité, à condition bien entendu de trouver la spécificité, parce que ces virus sont très spécialisés vis-à-vis d'une espèce ou d'une autre de bactéries. Donc ça c'est le cycle lytique, c'est-à-dire c'est l'infection classique, le virus c'est l'infection, disons, qui intéresse la phagothérapie, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et il y a effectivement une autre façon pour le bactériophage de se multiplier, c'est s'intégrer au génome de la bactérie et de se comporter silencieusement au sein de cette bactérie pour se multiplier en même temps que la bactérie va se multiplier. D'attendre, alors là, c'est totalement silencieux vis-à-vis de l'extérieur. Il ne se passe plus rien, mais à l'occasion d'un mécanisme X ou Y, un stress par exemple, le bactériophage peut décider de quitter cette bactérie et de rentrer dans le cycle lytique. À nouveau, et de passer par ce cycle qu'on vient de voir. C'est ce qu'on appelle le cycle lysogénique, donc la phase silencieuse, Patrick Forter, en fait, où d'un seul coup le virus disparaît en quelque sorte de la circulation, en fait, mais il est toujours inclus dans le génome des bactéries ou des cellules. Les lyses et lysogénie ont surtout été utilisés, effectivement, comme on le disait, pour les bactéries, mais en fait ce sont des phénomènes qui se produisent de façon très générale, que l'on soit chez les archées, chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, par exemple, tout le monde connaît l'herpès, on est tous infectés par l'herpès, on sait que si on a un coup de soleil, c'est le stress, ou une déprime immunitaire, on va avoir une poussée d'herpès. Ça veut dire essentiellement que le virus était à l'état latent, Alors, la lysogénie peut être complète, c'est-à-dire que le génome intègre le virus intègre son génome dans le génome de l'hôte et reste complètement silencieux jusqu'au moment où il va être réveillé par un stress. On peut avoir d'autres états où le virus reste dans la cellule infectée, se reproduit, produit un petit nombre de virions, mais pas beaucoup, donc la cellule se porte pas trop mal, continue de se diviser. Donc, on a un système où les deux organismes, finalement, la cellule infectée et le virus, tous les deux, vivent en une sorte de symbiose, arrivent à voilà, c'est ce qu'on peut appeler en fait une infection chronique. Une infection chronique avec une libération permanente de virus. Et alors à chaque fois, bien sûr, bon, le virus n'a pas de cerveau, mais c'est une métaphore. Mais on va dire, le virus, son intérêt, c'est si la cellule est en bonne forme, on reste dedans, tranquille. S'il voit qu'il y a un stress et que finalement il se demande est-ce que la cellule ne va pas disparaître, eh bien là, il va mettre en route des mécanismes pour la quitter, la détruire et essayer d'infecter d'autres cellules. Ce stress est important et si on ramène ça, je dirais, au traitement, puisque après la phagothérapie, on a eu l'antibiothérapie qui était un traitement. Pour traiter les maladies à bactéries. On sait aujourd'hui que certains antibiotiques sont en fait des stress pour la bactérie et sont capables de libérer le bactériophage. Alors ça, on peut aussi évoquer tout ça parce que c'est l'occasion pour le bactériophage éventuellement d'emporter une partie du génome bactérien et de le transmettre à une autre bactérie. On va parler de la phagothérapie dans quelques instants. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h21, vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture et nous parlons de virus tout au long de cette heure avec Patrick Forter qui est biologiste et Alain Dublanchet qui est médecin microbiologiste. Alors maintenant que l'on sait à peu près tout, ou presque, allez, des virus, on va essayer de leur trouver une place puisqu'apparemment ils se rangent nulle part et c'est tout de même intéressant ce débat qu'il peut y avoir autour de cette notion de vivant et du virus comme étant ou non un organisme vivant. Commentons peut-être par les différentes découvertes qui ont semé le trouble justement pour catégoriser ces virus avec la découverte des virus géants en 2006. Pourquoi est-ce que c'est important ces virus géants, Patrick Forter, et pourquoi est-ce que ça a semé le trouble précisément sur l'existence et la classification des virus? Oui, alors c'est 2003 en fait, la découverte 2003, du mimivirus à Marseille, le premier virus géant. Alors ça a semé ça a vraiment fait un petit peu un scoop parce que il s'agissait d'un virus avec des particules virales. La particule virale est déjà très grosse. En fait, elle est visible en microscopie optique. On n'a plus besoin d'un microscope électronique. Au départ, d'ailleurs, ces virus avaient été confondus avec une bactérie, puisqu'ils se coloraient comme des bactéries par la fameuse coloration de Gram, et ils étaient Gram positifs. Donc ça a vraiment fait un choc. Ensuite, lorsque le génome a été séquencé, on s'est aperçu que le génome était très grand, de plus de 2 millions de paires de bases, donc en fait plus grand que le génome de petites bactéries. Et puis lorsqu'on a observé donc les amibes, puisque ce sont des virus qui infectent des cellules eucaryotes géantes, les amibes, eh bien on a vu à l'intérieur de l'amibe ce qu'on a appelé une usine virale, là où se fabriquent les virions, absolument gigantesques, de la taille du noyau de la cellule. Donc ça a vraiment interloqué, et Didier Raoult et ses collaborateurs donc qui étudiaient ces virus, tout de suite se sont dit ce sont des organismes. Non, on ne peut plus dire que ce ne sont pas des organismes. Ensuite, ils ont découvert les virophages, donc des virus de virus qui infectaient ces virus, qui les rendaient malades. Alors d'autres auteurs ont dit bon, si on est malade et qu'on est, c'est qu'on est vivant quand même, parce que ce serait une double peine de ne pas être vivant et d'être malade. Ça, c'est l'étape d'après, le virophage, voilà. Le premier qu'on a découvert qui s'appelait Spoutnik, et en se disant finalement si un virus peut tuer un virus, donc ça veut bien dire que le virus était vivant. Voilà, s'est fait tuer. Et quelqu'un comme Jean-Michel Clavry qui étudiait avec Didier Raoult ces virus, a été un des premiers, étant frappé par la taille de cette usine virale, a suggéré qu'en fait, justement, quand on confondait le virus avec son virion, on se trompait, que c'était vraiment cette usine virale qui était le vrai virus. C'est ça qui m'a donné l'idée de la virocelle, qui, elle, peut s'appliquer aussi bien aux bactéries qu'aux archées, qu'aux eucaryotes. Donc il y a vraiment eu un renouveau d'intérêt pour les virus à cette époque, et ça a relancé effectivement le débat de savoir si les virus étaient vivants ou pas. Alors depuis lors, il faut savoir que beaucoup d'autres virus géants ont été découverts, une très très grande variété. Le plus grand aujourd'hui, c'est le pandoravirus, qui a un génome. C'est lui qui a un génome de 2 millions et demi de paires de bases. Hein, le mimivirus, je me suis trompé tout à l'heure, c'était 1,2 million. Donc on a avec des virions tout à fait particuliers, et qui, eux, ne vont pas fabriquer d'usine virale à l'intérieur de la cellule infectée, mais vont occuper le noyau de la cellule infectée pour la transformer en usine à virus. Donc on a vraiment affaire à des monstres incroyables. Pour bien se rendre compte, il faut peut-être préciser deux choses, c'est-à-dire la taille de ces virus par rapport au virus classique. Le rapport de taille entre un virus et une bactérie, c'est de combien à peu près, Alain ? Le centième à peu près. Le centième, alors que ces virus... Le plus petit virus connu ont deux gènes. Mm-hmm. Là, on a avec le pandoravirus plus de 2000 gènes, peut-être 2500 gènes. Donc il y a vraiment une gamme gigantesque, une diversité extraordinaire. Et un virus classique, enfin classique, ça veut dire... Je ne sais pas si on peut le définir comme classique, mais en tout cas le VIH, par exemple, a 9 gènes. Donc vraiment, c'est très petit. Voilà, c'est une variété entre 2 et 2500 gènes. Mmh. On a toute la gamme, en fait. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'avec ces virus géants, on a donc... Finalement, qu'est-ce qui les différencie d'une cellule prokaryote, ces virus géants? Quelle est la différence entre ces virus et avec le matériel génétique qu'ils ont et une cellule prokaryote type archée ou... Ah bah, ce sont des... Qu'est-ce qui leur manque, en fait, pour ne pas devenir des cellules prokaryotes? Les ribosomes, en particulier, pas que cela, mais essentiellement les ribosomes. Donc, ils ne vont pas former une cellule. Ils ne vont pas non plus avoir de membrane cytoplasmique. Ils ont un métabolisme partiel, mais qui est incomplet. Donc, ils ont toujours besoin d'une cellule pour l'infecter, pour utiliser ces ribosomes. On a découvert chez les virus géants un certain nombre de gènes qui codent pour des éléments du système de traduction dont je parlais tout à l'heure, ce système qui traduit le message nucléique en protéine, mais on n'a pas trouvé les ribosomes. C'est ce qui manque aujourd'hui pour avoir vraiment un virus géant qui serait complètement cellulaire. Parce que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un virus est une cellule incomplète et qui va se compléter en s'introduisant dans un vivant, en quelque sorte, pour coloniser la machinerie capable de produire ces unités qui seront assemblées. Pour utiliser les outils qui lui manquent. Mais qui va aussi utiliser une stratégie de reproduction complètement différente. Donc je ne dirais pas tout à fait que c'est une cellule incomplète, en ce sens que c'est vraiment différent d'une cellule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une cellule se divise pour donner deux cellules. Là, le mode de production, c'est vraiment produire le plus de variants possible. Mmh. C'est ce qui permet, avec Didier Raoult, il y a quelques années, on avait défini les virus comme des organismes justement possédant des capsides. La capside, c'est le nom technique pour la coque, pour l'enveloppe de la virus, particule. Oui. Mmh. Hein, en fait, on peut dire, pour définir les virus, quand on est un virus avec deux gènes ou 2500 gènes, le point commun, c'est ce mode de reproduction qui consiste à produire des virions. Alors, il y a deux autres recherches sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir, qui sont assez récentes d'ailleurs, puisqu'elles ont été publiées toutes les deux depuis le début de l'année, et qui montrent que les mécaniques d'infection virale sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pensait. La première, c'est celle que vous évoquiez tout à l'heure, Patrick Forter, dans la première partie de cette émission, de ce bactériophage qui construit une sorte de coque de protection autour de son génome pendant justement le cycle lytique dont nous parlions. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à avoir des comportements qui sont proches de comportements nucléiques. On commence à construire des espèces de petits noyaux. Oui, là, tout à fait. Alors, il faut savoir que les virus qui infectent les eucaryotes, donc on vient de parler tout à l'heure des virus géants, mais beaucoup d'autres virus, lorsqu'ils se répliquent dans le cytoplasme de la cellule infectée, donc pas dans leur noyau, dans le cytoplasme, créent ce que l'on appelle les usines virales, j'ai déjà fait allusion, qui ressemblent à des petits noyaux. Ils utilisent pour fabriquer ces usines virales, par exemple, les membranes intracellulaires, le terme technique c'est des membranes du réticulum endoplasmique, c'est barbare, et en fait on sait que le noyau de la cellule eucaryote est fabriqué à partir de ces mêmes membranes. Il y a vraiment une analogie entre la fabrication de ces petits noyaux de virus et la formation du noyau de la cellule eucaryote. Et certains auteurs ont même suggéré qu'éventuellement il y avait un lien évolutif et que peut-être le noyau des cellules eucaryotes avait une origine virale. Alors là, c'était la première fois. On en parlera tout à l'heure parce que c'est intéressant en termes évolutifs. Là, c'est la première fois qu'on trouvait un phénomène, alors, qui est un peu semblable, en même temps assez différent dans le cas d'une bactérie, puisque les bactéries n'ont pas ces membranes intracellulaires. Donc là, ce que fait le virus, il va pas utiliser ces membranes pour se faire une usine virale. Il apporte une protéine qu'il code lui-même, qu'il a inventée. Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais peut-être qu'on revienne à un moment donné. C'est que les virus créent de la diversité. Les virus créent de nouvelles protéines continuellement. Et cette protéine va former une coque, une membrane nucléaire, Donc il ressemble un petit peu, si on voulait faire l'analogie, avec la lamine, c'est-à-dire que dans les membranes des noyaux de nos cellules, comme je l'ai dit, ces membranes nucléaires sont formées à partir de ces membranes intracellulaires qu'on a dans toutes nos cellules, mais en même temps, il y a une couche, une coque à l'intérieur qui donne la stabilité à la structure, qu'on appelle la lamine. Ça ressemble un petit peu à ça, ce que fait ce virus. Et en plus, ce virus code pour une protéine qui va justement former des filaments qui vont diriger cette structure nucléaire pour la mettre au milieu de la cellule. Et ça ressemble quand même de façon très très étonnante à ce qui se passe lorsque nos cellules se divisent, lorsque les chromosomes se divisent et doivent être transportés pour être sûr que chaque cellule fille récupère ses chromosomes. On a tout un système de tubules, microtubules, et ce qui est étonnant, c'est que la protéine codée par ce virus est apparentée à ces protéines qui forment les tubules. On parle de la tubuline. Cette protéine codée par le virus est apparentée à la tubuline de nos cellules et à des tubulines que l'on trouve chez les archées ou les bactéries. On trouve une sorte de quoi? De protomitose, quelque chose comme ça? C'est une sorte de protomitose, si on veut. Quelque chose qui, en tout cas, on a une analogie à ce niveau-là qui est quand même assez, assez frappante. Alain Dublanchet, sur cette parenté qu'il pourrait y avoir entre ces constructions de coques et des protomitoses ou des comportements nucléiques entre quelques... Bon, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que Patrick Forter vient bien expliquer. Je crois qu'il connaît beaucoup mieux le problème que je pourrais l'expliquer. Donc, Alors, autre chose, je parlais de deux récentes. Il y a une autre recherche qui est assez captivante. Et je disais tout à l'heure en rigolant, il ne leur manque que la parole. Et bien, finalement, ils l'ont, puisque c'est une étude qui date là, qui a été publiée au mois de janvier, dans Nature, je crois, et qui montre que les virus se parle pour éviter justement de détruire toutes les cellules hôtes et pour alterner entre un cycle lytique et un cycle lysogénique. Ça aussi, c'est intéressant de voir que finalement, il y a une forme de dialogue intervirale, ce qui serait pour le coup une grande découverte dans le système de fonctionnement. Oui, ça, c'est Patrick assez Forter. Frappant parce que la lyse et la lysogénie, dont on a parlé tout à l'heure, sont connues depuis très très longtemps. Quand j'étais étudiant à la fac dans les années 70, c'était vraiment un modèle qu'on étudiait en long et en large et en travers. Il y avait toujours la question de savoir qu'est-ce qui déterminait la lyse ou la lysogénie. C'était toujours assez complexe. Là, c'est un mécanisme qui a été découvert chez des virus qui infectent des bactéries gram-positives. Et l'astuce, c'est qu'en fait, lorsqu'un virus infecte une cellule, on va avoir production d'un peptide. Alors, ce qu'on appelle un peptide, c'est une mini-protéine. En fait, c'est quelques acides aminés. Là, je crois que c'est 6 acides aminés qui va s'accumuler dans le milieu. Et la logique, c'est plus vous allez avoir de bactéries infectées et tuées, plus vous allez avoir ce peptide qui va s'accumuler. Et donc, si un nouveau virus infecte une bactérie, s'il a beaucoup de peptides dans cette bactérie, qu'il la récupère, il va se dire, il y a eu beaucoup de virus ont attaqué avant moi, ça se trouve, il n'y a plus beaucoup de bactéries dans le coin. Si je lise cette bactérie, mes enfants, entre guillemets, vont peut-être avoir du mal à trouver des victimes. Et donc, peut-être, il vaut mieux que je lysogénise. Et à ce moment-là, on va favoriser la lysogénie. Alors que si ce peptide n'est pas présent, il va se dire, je suis peut-être un des premiers à arriver dans cette herbe verte, de ce nouveau pré de bactéries. Eh bien, allons-y carrément, là, il n'y a pas de problème, je peux lyser la bactérie, je peux multiplier lyser. Donc, en fait, on sait que les peptides sont utilisés dans le monde vivant comme molécules signal. À tout un tas de niveaux, au niveau du système nerveux. Le système nerveux fonctionne énormément par justement la production de peptides qui vont jouer. Mais là, on l'avait jamais montré dans le cas de ces phages, à ma connaissance. Et pour ça, je pense qu'ils ont pu publier cette découverte dans Nature. Ce qui est, du coup, on voit bien qu'entre la constitution de cette coque qui ressemble effectivement à un proto-noyau, entre la communication qu'il peut y avoir justement pour alterner les cycles lytiques et les cycles lysogéniques, on commence à arriver à des comportements complexes pour ces petits virions à qui on refusait finalement l'étiquette de vivant. On arrive à du fonctionnement complexe en réseau. Je pense que ce qui est le plus important de comprendre, c'est que les virus sont capables, au cours de la réplication de leur génome, de nouveaux gènes vont apparaître. On commence à bien comprendre comment apparaissent les nouveaux gènes en comparant des génomes de mouches, par exemple, de proches les uns des autres, ou des génomes de levures. On s'est aperçu comment de nouveaux gènes apparaissaient dans les génomes. Et là, ce mécanisme, il n'y a aucune raison qu'il ne se produise pas dans les génomes des virus. Donc, en fait, où à chaque fois que les virus se répliquent, on a la possibilité de voir apparaître de nouveaux gènes, de nouvelles inventions, et donc de nouvelles protéines et de nouvelles fonctions. Et ça, c'est très important parce que, justement, à cause de cette un peu confusion entre le virus et la particule virale inerte, comme disait le professeur de Blanchet, beaucoup de biologistes et beaucoup d'évolutionnistes avaient dans l'idée que les virus n'inventaient rien. En fait, ils ne faisaient que de piquer des gènes aux cellules pour leur propre cause, mais ils n'étaient pas capables par eux-mêmes d'inventer parce qu'il y avait cette vision inerte du virus. En fait, si on, au lieu de se focaliser sur le virion, si on se focalise sur la cellule virale, la période où le virus s'exprime et se réplique, on voit qu'il va pouvoir créer de la nouveauté. Et ensuite, comme les virus vont pouvoir s'intégrer dans notre génome, eh bien, ils vont pouvoir nous apporter ces nouvelles fonctions. Le cas le plus spectaculaire, je ne sais pas si on en parlera, c'est le cas de la syncytine apportée par d'anciens rétrovirus aux mammifères qui est à l'origine du placenta des mammifères. On sait aujourd'hui que le fait pour les mammifères d'avoir la possibilité de garder l'embryon à l'intérieur du corps de la mère et non plus de pondre un œuf, c'est dû à d'anciens rétrovirus du type sida qui se sont intégrés dans les génomes de nos ancêtres il y a très longtemps, et des protéines qui étaient utilisées par le virus pour justement infecter les cellules, on les a récupérées pour former le placenta et pour recouvrir le placenta d'une protéine avec des propriétés immunosuppressives. Et du coup, on comprend aujourd'hui que c'est grâce à des virus que l'embryon n'est pas rejeté par le système immunitaire de la mère. Donc ça remet complètement en perspective le rôle des virus dans l'évolution. Et d'ailleurs j'ai lu que, effectivement, grâce à ce transfert horizontal de gènes, hein, puisqu'on voit qu'effectivement les données génétiques peuvent passer du virus à la cellule, et donc il peut y avoir comme ça une sorte de mélange génétique, 8% de notre ADN est de nature virale. Oui, en fait, dans le génome humain, il y a 2% de gènes qui sont vraiment des gènes eucaryotes, qui en a hérité de nos ancêtres eucaryotes. 8% environ de gènes qui sont des gènes de rétrovirus intégrés et quelques-uns d'autres virus. Et le reste, en fait, on pense que pour une bonne part, c'est également des restes d'anciens rétroéléments et autres qui se sont intégrés. Donc on a plus de gènes, on a plus d'ADN d'origine virale en nous que d'ADN venant de nos ancêtres eucaryotes, ce qui montre bien là encore l'importance. Peut-être juste là-dessus, pour insister encore une fois, par exemple, les créationnistes pendant longtemps attaquaient l'évolution en disant voilà, avec des petites mutations à droite à gauche, comment on peut arriver à faire toute la diversité du vivant que l'on voit autour de nous. Et c'est vrai que c'était un petit peu difficile si on se limite à ce qu'on appelle les mutations ponctuelles où on change une lettre dans l'ADN à droite à gauche. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le moteur principal de l'évolution darwinienne, c'est l'interaction entre les cellules et les virus. Les virus créent, vu leur abondance, comme on l'a dit, vu la quantité de génomes de virus qui se répliquent continuellement et qui se sont répliqués depuis 4 milliards d'années, les virus ont continuellement créé de la nouveauté. En s'intégrant dans les génomes, ils apportent cette nouveauté, ils remanient les génomes. Et donc, toute cette interaction, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est vraiment le moteur de l'évolution darwinienne. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweaters. Ain't got no perfume, ain't got no love. Ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother. Ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. 16h39 sur France Culture, la méthode scientifique, nous parlons tout au long de cette heure du virus et puis des connaissances disponibles aujourd'hui autour des virus, comme nous avons pu le voir dans la première partie de cette émission, qui sont intimement liés par un certain nombre de mécaniques et notamment liés à la formation des cellules et du vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous en parlons avec Patrick Forter, qui est biologiste, professeur émérite à Paris-Saclay et professeur à l'Institut Pasteur, ainsi qu'avec Alain Dublanchet, qui est médecin microbiologiste, ancien chef de service à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et spécialiste de la phagothérapie. Et puisque je viens de prononcer le mot phagothérapie, nous allons précisément en parler, puisque les virus donc ont été utilisés depuis longtemps, depuis un siècle exactement, à des fins curatives. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes donc rendu à l'Institut Pasteur précisément pour comprendre comment fonctionne cette phagothérapie. Et oui, parce que c'est Félix Derel qui, il y a 100 ans, vous le disiez, a découvert les bactériophages, ces virus qui tuent certains types de bactéries. Et c'est ce même Félix Derel qui a proposé en premier d'utiliser les bactériophages de manière thérapeutique, le tout 10 ans avant les premiers antibiotiques. J'ai donc rencontré Laurent Debarbieu, qui est responsable du groupe de recherche interaction bactériophage-bactéries chez l'animal à l'Institut Pasteur. Le jour où on s'est retrouvé, malheureusement, des travaux faisaient qu'il n'y avait pas d'électricité dans les locaux, mais Laurent Debarbieu a quand même pu m'expliquer en quoi consistaient ses recherches sur les bactériophages et surtout comment, alors qu'on parle de plus en plus de la résistance de certains microbes aux antibiotiques, la phagothérapie pourrait non pas devenir, mais redevenir une option thérapeutique. Un bactériophage, c'est un virus par définition. Donc ces bactériophages infectent uniquement les bactéries, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent certaines bactéries et précisément démarrent un cycle infectieux. Le cycle infectieux consiste à injecter dans la bactérie le matériel génétique du bactériophage, de pirater toutes les machineries cellulaires de la cellule pour pouvoir produire de nouveaux bactériophages et à la fin de ce cycle infectieux, détruire la cellule, détruire la bactérie et relarguer de nombreux nouveaux bactériophages qui vont par la suite aller rencontrer d'autres bactéries et perpétuer ainsi le cycle de multiplication des bactériophages. Où est-ce qu'on trouve ces bactériophages dans notre environnement proche ? Alors les bactériophages sont présents partout dans l'environnement. On en a trouvé absolument partout, aussi bien dans le désert que dans l'océan et bien évidemment partout où on trouve des bactéries. Notre corps humain héberge énormément de bactéries et il héberge tout autant de bactériophages. On a à peu près les mêmes quantités de bactériophages que de bactéries. Comment ça fonctionne, voilà, étape par étape, à partir du moment où un phage reconnaît la bactérie qu'il va attaquer ? Alors, la première étape, c'est la reconnaissance. Il faut que le phage trouve sa cible et cette reconnaissance, elle est extrêmement spécifique, hein, entre le phage et la bactérie. Une fois que cette reconnaissance a lieu, le bactériophage va injecter le matériel génétique, son matériel génétique dans la cellule, et ce matériel génétique va pouvoir prendre le contrôle de la bactérie. C'est-à-dire que assez rapidement, on observe par exemple une dégradation du chromosome bactérien, ce qui paralyse quelque part les fonctions de la bactérie, ça devient un fantôme bactérien, et à ce moment-là, toutes les machineries énergétiques que le bactériophage a besoin d'utiliser et qui sont à la base des machineries cellulaires vont pouvoir être utilisées par l'information du bactériophage pour construire des nouveaux virions, des nouveaux bactériophages, et ceci d'une manière extrêmement rapide et efficace, hein, puisqu'on va avoir des cycles d'infection de bactériophages par rapport aux bactéries dans les conditions optimales qui vont durer une dizaine de minutes. Hein. Plus rapidement qu'une bactérie ne se divise, un bactériophage peut terminer un cycle infectieux qui peut produire entre 10 et 300 bactériophages nouveaux. Et comment on observe, voilà, tout ce processus-là ici au laboratoire ? Bon, là, il n'y a pas d'électricité, mais comment on observe ça au quotidien, avec quels outils ? Alors, les outils qu'a développé Félix Derel en 1917 sont encore utilisés au laboratoire de manière aussi étonnante que cela puisse paraître. En fait, la microbiologie et la manière dont les virus tuent les bactéries peut être facilement visualisable sur ce qu'on appelle des boîtes de pétri, donc des milieux solides, nutritifs sur lesquels les bactéries poussent. Et clairement, on peut voir la différence entre la présence et l'absence de bactériophages dans une culture bactérienne. Lorsqu'on a ce qu'on appelle un tapis bactérien, c'est-à-dire une quantité de bactéries qui recouvrent la totalité de la surface d'une boîte de pétri. Et à l'intérieur, on va voir, là où les bactériophages ont tué certaines bactéries, on va voir ce qu'on appelle des plages de lyse, que certaines personnes au tout début ont appelé des taches vierges, puisque vierge de toute culture bactérienne, parce que tuée par l'action des bactériophages. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, bien évidemment, d'aller à la dissection des mécanismes moléculaires qui sont en jeu pour réaliser ces infections. Et comment vous dépassez cette complexité, justement ? Alors cette complexité, on la dépasse avec des outils beaucoup plus modernes aujourd'hui. Par exemple, on vient de réaliser au laboratoire des expériences de ce qu'on appelle donc de séquençage d'ARN sur des temps extrêmement courts, hein, puisqu'on a pris des points après 3 minutes de contact entre la bactérie et le bactériophage, 6 minutes et 13 minutes. Et on voit comment le programme génétique du bactériophage est mis en route au cours du temps, et on voit que malgré le faible période de temps, ce qui paraît très court pour nous, hein, une dizaine de minutes, eh bien le phage, lui, organise sa méthode de travail de manière très précise. Pendant 3 minutes, il va faire quelque chose, et puis pendant les 3 minutes suivantes, il va faire autre chose, et tout ceci est bien synchronisé dans le temps, de façon à pouvoir produire de manière optimale le plus grand nombre de bactériophages. Comment un bactériophage pourrait devenir un outil thérapeutique, et quels sont encore, pour l'instant, les freins à ça? Alors comment un bactériophage pourrait redevenir un outil thérapeutique, puisque en fait, jusque dans les années 70, il était possible de trouver en France des solutions thérapeutiques de bactériophage. Et aujourd'hui, la grosse problématique, c'est comment faire pour réintroduire cette approche thérapeutique dans le contexte actuel, avec toutes les barrières réglementaires, tous les essais cliniques qu'il va falloir monter, puisqu'on redémarre en fait à zéro, comme si ce produit et cette approche thérapeutique n'avaient jamais existé. C'est un travail qui va être assez long et lent, malgré les urgences qu'il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir apporter des solutions aux patients qui sont face à des impasses thérapeutiques dues à la non-fonctionnalité des antibiotiques à cause de la résistance des bactéries. C'est un processus qui sera long, mais c'est un processus qui aujourd'hui, on peut dire, est engagé. Ce n'est plus un processus qui est aujourd'hui est caché dans un laboratoire quelque part un peu secret et reste confidentiel. Quand on réfléchit aux communautés de bactériophages et de bactéries qu'on a dans nos intestins, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a un dialogue qui doit avoir lieu entre ces différentes espèces. Et je dirais même que le dialogue, il est à un niveau encore supérieur à celui-là, puisqu'on va avoir d'un côté le virus qui infecte la bactérie, mais la bactérie qui colonise un épithélium intestinal. Donc on a cette communication entre les cellules eucaryotes, les cellules bactériennes et les virus qui sont capables d'interagir avec ces bactéries. Donc on a ce dialogue, je dirais à la puissance 3, qui a lieu. Alors comment il a lieu et quels sont les effets, les conséquences? Là on est en plein défrichement, on est à peine au début de quelque chose qui va être certainement très important. Le reportage d'Antoine Beauchamp à l'Institut Curie, de réaction à Alain Dublanchet, puisque c'est votre... à l'Institut Pasteur, pardon, à l'Institut Pasteur, pas l'Institut Curie. Puisque c'est votre spécialité, la phagothérapie, on voit bien, on entendait dans le reportage à l'instant, hein, que c'est un terrain en cours de défrichement, qu'on ne maîtrise pas encore bien tous les mécanismes de cette phagothérapie thérapeutique. Oui, alors effectivement, comme le rappelait Laurent de Barbieux à l'instant, la phagothérapie a été utilisée jusqu'à la fin des années 80 en France. Et l'Institut Pasteur, d'ailleurs, de Paris, comme celui de Lyon, fabriquait des phages thérapeutiques que j'ai utilisés, d'ailleurs, à l'époque, avec des succès dans des impasses thérapeutiques que l'on connaissait déjà. Et puis, ont été fermés ces laboratoires de production de bactériophages thérapeutiques, d'ailleurs dans l'ensemble du pays occidentaux, pour n'être conservés que dans les pays de l'Est, en Géorgie, c'est-à-dire Géorgie et Russie, qui en fabriquent de manière industrielle, d'ailleurs, sans problème. Il y a eu donc une éclipse de la thérapie par phagothérapie pendant une bonne quinzaine d'années, date à laquelle on s'est posé la question, est-ce que la phagothérapie ne pourrait pas être une alternative à l'antibiothérapie qui devient de plus en plus défaillante face aux bactéries résistantes. Voilà, alors déjà, je pense que ça... Oui, à cause de la montée des résistances, pas uniquement la montée des résistances, mais également le découragement des grands laboratoires pharmaceutiques qui ont arrêté la recherche de nouveaux antibiotiques parce que ça coûtait trop cher et qu'il y avait des pistes beaucoup plus prometteuses. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'émission. On avait consacré une émission entière un lundi, il y a peu de temps, justement aux antibiorésistances et à ces problématiques liées justement à la fin, à la difficulté de trouver, de générer de nouveaux antibiotiques dans ces circonstances-là. Donc la question de trouver une alternative s'est posée à partir des années 2000. Alors le terme déjà alternatif, moi connaissant cette phagothérapie me choquait et m'a choqué d'entrée parce que je pense qu'il s'agit plus d'une complémentarité à l'antibiothérapie parce que on voit bien tout ce que l'on a pu découvrir dans les l'intérêt d'associer les deux. Donc c'est plus une complémentarité qu'il faut voir et pas forcément. Ça, j'insiste sur un certain nombre, à mon avis, de pistes relativement erronées aujourd'hui, qui est de vouloir ne traiter que les impasses thérapeutiques et les problèmes d'infectieux à germes résistants. Je pense qu'on aurait tout intérêt, pour un tas de raisons que je ne pourrais pas développer maintenant, on aurait tout intérêt à commencer la phagothérapie très tôt. Mais puisqu'on parlait tout à l'heure, juste avant la pause musicale, de ce transfert horizontal de gènes, qui est un fort moteur évolutif, comme le disait Patrick Forter, quelle est la sécurité ou quels sont les risques plutôt en termes de phagothérapie, qu'il puisse y avoir de façon durable dans un organisme un transfert de gènes, donc une répercussion génétique, maintenant qu'on sait particulièrement l'importance du microbiote dans le développement chez la, à tous les âges de la vie d'ailleurs, justement quels sont les risques pourraient être associés. Effectivement, c'est une on ne peut pas ne pas se poser cette question qui en pratique est relativement minime, enfin problème relativement minime. D'une part parce que les traitements sont relativement court, comme un traitement vis-à-vis des antibiotiques, que l'on élimine les bactéries très rapidement et qu'on ne passe que très rarement des gènes d'une bactérie à l'autre via la phagothérapie. C'est, comme disaient les anciens, un traitement du tout ou rien, en quelque sorte. C'est-à-dire, en quelques jours, le traitement est réglé. Donc, le risque est... Bon, il n'y a jamais... Il n'y a pas de traitement sans risque, ça c'est évident, mais le passé a montré que sur des millions et des millions de traitements par bactériophage qui ont eu lieu, qui ont encore lieu dans les pays de l'Est, on n'a pas vu d'effet secondaire majeur. Ça c'est, je crois que ça c'est quelque chose que l'on peut affirmer. Alors maintenant, le problème, c'est de réintroduire cette phagothérapie. Alors, on est dans une situation assez, j'allais dire, assez paradoxale, parce que c'est une vieille thérapie, que les thérapeutiques, de manière générale, et l'antibiothérapie, avec les antibiotiques en particulier, ont été développées par les firmes pharmaceutiques pendant des décennies, et qui ont un savoir-faire particulièrement important dans ce domaine. Mais ils n'ont travaillé pratiquement que sur des produits chimiques. Donc chimiquement définis, stables et mesurables, je dirais, sur le plan pondéral. Je crois qu'il est très difficile, et c'est là qu'on peut opposer antibiothérapie et phagothérapie, c'est que quand on a affaire à un médicament, parce qu'on m'a dit, vous utilisez des bactériophages pour traiter, vous utilisez un médicament. Certes, mais c'est pas un médicament comme un médicament chimique, c'est un médicament biologique. Voilà, ça n'est pas tout à fait inerte, puisqu'on en a parlé tout au long de cette heure, finalement, ces virus ne sont pas tout à fait inertes, ce sont des composés biologiques. L'une des questions majeures, c'est que si l'antibiotique est éliminé et métabolisé dans un organisme, le bactériophage, lui, quand il rencontre la bactérie qu'on lui demande de vouloir détruire, c'est la bactérie cible, il va se multiplier dans l'organisme. C'est toute la différence qu'il y a entre un antibiotique et un bactériophage. Donc les études qu'il va falloir monter, c'est évident, il va falloir monter des études expérimentales, ne sont pas des études qui vont correspondre à des études qu'on a connues pour les médicaments et tout particulièrement les antibiotiques. J'aimerais, dans les dernières minutes qui nous restent, revenir aussi, remonter un peu aux sources du temps pour interroger un peu, puisqu'on l'a évoqué rapidement, j'aimerais qu'on en redise un mot, le rôle de ces virus dans la structuration du vivant. Par exemple, on a vu tout à l'heure que certains virus construisent une coque qui est une sorte de proto-noyau. Est-ce que on a aujourd'hui des théories satisfaisantes, Patrick Forter, sur le fait que les virus aient pu préexister aux cellules? Non, ça, les virus n'ont certainement pas préexisté aux cellules, puisque, en fait, comme on l'a vu, ils ont absolument besoin de cellules pour se reproduire, et eux-mêmes, finalement, sont des organismes cellulaires, si on prend ce concept de virocelle. On sait aujourd'hui que les virus sont très anciens, puisque on a trouvé, par exemple, des similarités de structure entre des virus comme les bactériophages dont on parle, là, qui sont des virus, la plupart avec une tête et une queue. On a, la tête est composée d'une une protéine qu'on appelle la protéine de capside. On a trouvé, on s'est aperçu que cette protéine de capside ressemblait à celle de du virus de l'herpès, qui, a priori, n'avait rien à voir. On a trouvé comme ça des similarités entre des virus infectant des bactéries, des archées, des eucaryotes, ce qui indique que très certainement les virus existaient déjà à l'époque du dernier ancêtre commun à ces trois grands groupes qu'on appelle Lucas, le Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel. Donc les virus sont certainement très anciens. Ils ont dû apparaître donc à l'époque où on avait encore des cellules à ARN, donc on pense que les premiers virus ont pu être plutôt des virus à ARN, ensuite virus à ADN, etc. Ce qu'il faut bien voir, bien sûr, et c'est toujours un petit peu délicat, à la fois on trouve des similarités entre aujourd'hui des virus qui infectent par exemple les bactéries et nous, mais ça c'est des similarités qui sont disons faible et qu'il faut vraiment des outils importants, reconstituer la structure des protéines pour s'en apercevoir. Mmh. Ensuite, au niveau spécificité, aujourd'hui, les virus, disons, modernes, sont très spécifiques, en général, des cellules qu'ils infectent. C'est important puisqu'on parlait de phagothérapie. Mmh. Et les gens peuvent avoir peur, en fait, de se faire traiter par des virus. Il faut bien voir que les bactériophages ne peuvent absolument pas infecter des cellules eucaryotes, de même que des virus qui infectent les cellules eucaryotes ne peuvent absolument pas infecter des bactéries ou des archées, etc. Il y a vraiment une spécificité de ce point de vue-là pour les virus. Et même au sein des bactéries, les virus ne vont s'attaquer qu'à une seule sorte de bactéries. En général, les virus sont très spécifiques de certains groupes de bactéries, justement à cause de ces interactions entre les récepteurs du virus à la surface des cellules et les protéines que le virus utilise pour les reconnaître. Mais alors, pour conclure, vous disiez effectivement, on a parlé du tout ARN, de la théorie du tout ARN, comme quoi l'ARN aurait précédé l'ADN. Il y a une théorie qui dit que précisément ce passage d'un monde ARN à l'ADN pourrait être le fait des virus. Il y a une théorie qui s'appelle Out of Viruses, qui dit précisément que c'est peut-être grâce au virus que l'ARN est passé, devenu de l'ADN. Oui, en fait, parce que si on compare l'ARN et l'ADN, il y a des différences chimiques à la fois pas très importantes et avec des conséquences en même temps très importantes. L'ADN est une molécule plus stable que l'ARN, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Et souvent on dit il a fallu que l'ARN soit remplacé par l'ADN parce que pour avoir de gros génomes comme les nôtres, il faut effectivement une molécule stable. Mais ça, c'est pas une explication, disons, darwinienne. Pour une explication darwinienne, il faut imaginer quel était l'avantage sélectif du premier organisme qui a remplacé son ARN par de l'ADN. Alors, bien sûr, une possibilité, c'est que ça soit produit au sein du monde viral, parce qu'un virus ARN qui arrivait à modifier chimiquement son génome pour le transformer en ADN, ça s'est pas fait d'ailleurs en une seule étape, il a fallu deux étapes, parce qu'il y a deux différences majeures entre l'ADN et l'ARN, eh bien, ce virus avait un avantage immédiat puisque simplement son génome n'était plus reconnu par toutes les défenses, les mécanismes qui avaient été développés par les cellules ARN infectées par les virus. Donc pour proliférer, il a un avantage de prolifération. Alors, cette hypothèse, donc, elle a une certaine logique, mais en même temps, elle explique aussi, elle permet d'expliquer pourquoi les mécanismes qui répliquent l'ADN sont beaucoup plus divers chez les virus que dans le cas des cellules. Donc on explique ça en disant, voilà, ces mécanismes-là sont apparus, se sont diversifiés dans le monde viral, et un certain nombre d'entre eux seulement ont été ensuite récupérés par les cellules. Un peu comme la diversité qui est apparue chez les Homo sapiens en Afrique, on n'en retrouve qu'une petite partie chez les hommes qui ont quitté l'Afrique pour peubler l'Eurasie et ensuite l'Amérique. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être venus nous parler de ce monde viral et d'avoir réhabilité un peu ces virus qu'on voyait d'un œil si négatif. Merci Patrick Forter, merci Alain Dublanchet et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, à la technique Anthony Thomasson et au droit d'auteur Sophie Salio-Marie.